émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lafouine, capitale du Crime 4. Et oui, déjà la troisième soirée dans Planète Rap. Bienvenue, bonsoir, comment ça va Lafouine? Ça va très bien et toi Fred? Ça va en forme, on se rapproche de la sortie. Et oui, CDC 4, ça arrive. Ça arrive déjà deux soirs sur Skyrock avec toi. Et puis là, on est venu promouvoir ce nouveau disque qui sort lundi prochain, CDC 4. Le 24 novembre, à pas louper. Merci pour tous vos messages en tout cas. On reçoit plein de messages de soutien d'un peu partout, toute la France. On continue à envoyer vos messages, ça se passe au 41 Sky, 41759. C'est bien, avec toi, j'ai plus besoin de rien dire en fait. Tu pourrais même carrément faire l'émission tout seul. Non, t'es fou. Tu pourrais faire trop, je suis tranquille avec toi. Non, t'as oublié un truc, il y a le hashtag aussi, Lafouine sur Skyrock. Voilà. Capitale du crime sur Skyrock, CDC4 avec les hashtags, allez-y. C'est ça. Vous balancez tous vos messages et ce soir des invités encore dans l'émission, parce que c'est vrai qu'il y a du monde sur CDC4, c'est le principe hein, d'ailleurs. Bien sûr, ce soir, je vous présente plus Canardo qui est venu. Bonsoir le frangin. Voilà, et puis on a un membre du GSX. Ouais. Voilà, et puis son acolyte justement Lagdar n'a pas pu venir à cause d'un souci personnel de santé. Donc on lui souhaite bon rétablissement en tout cas Lagdar. Big up à toi. Comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va? En forme? Bien. Comment ça se passe à Lyon? Ça va, tranquille, ça se passe. Hein. Nos amis lyonnais sont là, ouais. GSX, explique-nous un petit peu justement pourquoi GSX sont sur le projet, comment tu les as signés toi, Lafouine. Ça fait un moment que tu les suis aussi. Tu avais une absence. Ouais, j'étais en train de regarder les messages. Désolé. Non, tu étais loin. Non, je te parlais de la signature de GSX en fait. Bah, GSX, je les ai rencontrés à Lyon il y a quelques temps. Ils étaient en première partie d'un de mes concerts. Et puis, j'ai rencontré Omar justement qui est avec nous ce soir. Il est venu me voir dans ma loge. Et puis, il m'a fait écouter un peu ce qu'il faisait en a cappella. Je lui ai dit, on se rencontrera sur Paris. Et puis, il est venu sur Paris, il m'a fait écouter ses maquettes. Et j'ai adoré. Et puis, la signature a. L'aventure a commencé ce jour-là avec GSX. Omar, pour l'instant, tout va bien? Ouais, tout se passe bien. En ce moment, on est sur l'album. Donc, ça donne une belle exposition en plus sur CDC. Franchement, super cool. CDC4, il est super lourd. On a fait trois morceaux très très lourds, donc on est content. Et bon, on pourra peut-être les découvrir. Il y aura peut-être aussi du live. Qu'est-ce qu'il y a de prévu sur la Fouine du Alors, live? Ce soir, il y aura du live. Il y aura du live surtout de Canardo et puis Omar. Mmh. Il y aura des morceaux inédits. Et voilà, il y aura des interviews et puis Funny Babe sur Skyrock comme d'hab. Et puis on va se rappeler aussi, on va s'enjailler, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Le replay du Planète Rap de mardi, c'est maintenant. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est parti pour le Capital du Crime 4 avec la Fouine qui est là, comment va? Attends, Exo. Ah oui, mais t'es en train d'installer, de dévoiler déjà la liste des invités. Excusez-moi, j'ai mis une crampe à qui, à quoi? C'est quoi l'histoire? T'as mis une crampe à Fred là. Fred, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Installe-toi. Nos invités. Tête à tête, on connaît pas. Donner des places, on connaît pas. Trahir l'ami, on connaît pas. Tu me follow, mais je te connais pas. C'est le temps qu'il bosse aussi, pareil, hein, sur le projet pour 2015. Ouais, Condamné à régner, mon deuxième album solo. On va faire un petit vrai faux de ce qu'on a pu relever sur toi sur le net. Hein. Il y a un peu de tout et n'importe quoi sur le net. Lafouine, tu vas dire vrai ou faux? Vrai faux, allez. Vrai ou faux, il paraît que tu devais faire un film et le réalisateur voulait te couper la barbichette, donc tu as refusé. Non, faux aussi. Ça, c'est faux. Non, faux. Si un jour j'ai un bon film que je dois couper ma barbichette, et ben je la couperai pour l'occasion. Hein. On en est où d'ailleurs dans le ciné? Après, ça dépend du budget. Que tout petit, je crois qu'un dans cette piscine d'MC. MC, ça comment je rappe, comment je trappe, comment je dream. Salut, B, tous, c'est le prince de la ville. On est avec Bunty de Valenton. Salut tout le monde, salut les gars. Oui. Tu es prêt à rapper? T'es prêt? Ouais, je suis prêt, mais est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis en direct de mes toilettes là. Et t'en es où alors concrètement? Bah là, je suis à la descente là, c'est en train de. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric. J'ai la peau qui pique, comme le porc épic. Tranquille, hein, Bandit, hein, vas-y tranquille. Bah, j'ai fini la commission là, c'est bon, elle est sortie. Paris, ici, c'est la requête. Carotte et Loki, des Yankees, c'est la requête. Pour avoir l'indépendance, c'est la requête. Même ceux qui tentent d'être en sapalant, c'est la requête. Viens t'en prendre à la famille, c'est la requête. Le prix, c'est la requête, c'est dit, c'est la requête. Parler de Paris, par ici, c'est la requête. Tu carottes et Loki, des Yankees, c'est la requête. Qui peut raser l'ascension, hein? Dramatique est la sanction. Bang, narcotrafic dans les transactions dangereuses, la folie est cubaine, on sort la tronçonneuse. Aïe, aïe, aïe. Pour les fumer. Tout occupé. Tu m'en reconnais. Dans ma BSP délobée, c'est les bras sont lèvres, ton revêt. Intérieur cuir, vitre teintée. Tous mes robes sont broliquées, ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Dans quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 piges, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, lovés, lovés, lovés. Planète Rap. Voilà, c'était hier soir dans l'émission, le replay avec Lafouine et ses invités entre 20 et 21 pour CDC 4. On va débuter avec un morceau, on met le morceau avec Reda Taliani. C'est ça, on va comme se mettre Taliani qui tourne depuis chaque soir. Et n'oubliez pas que l'album est déjà en précommande sur iTunes et qui sort lundi prochain. Donc allez le précommander, il y a deux morceaux spéciaux pour ceux qui l'achètent sur iTunes dès maintenant. On s'écoute Va Bene tout de suite. Reda Taliani va baigner la fouine sur Skyrock. CDC 4 dans les bacs, c'est 24. On est trop à souffrir, mais ma sœur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut, là-haut. Faire des thunes, le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur vin de l'on rive. Tu t'es un bourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Passer en bolide, 20 ans plus tard j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même en première ou en écho. Appel d'Amito, ma cellule a besoin d'écho. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa, Fuini, Alger Taliani. C'est Skyrock et c'est Planète Rap, CDC 4, capitale du crime 4. Ça sort le 24 novembre avec ce morceau, j'ai envie de dire du grand Lafouine sur ce morceau. C'est vrai, avec ce côté un peu nostalgie dans le morceau. Yeah. Ah. C'est mes origines. Quoi. Moi, je suis parti au Maroc, j'ai écouté ce morceau, j'ai flippé, je l'ai fait avec Reda. Et ça m'a fait plaisir en plus de chanter en arabe à la fin de la chanson. Moi qui parle couramment arabe, peut-être que les gens ne le savent même pas, comme moi je suis qu'un riz dans mon swag. D'ailleurs, tu vas finir l'émission en parlant arabe jusqu'à 21h ce soir. C'est ça. Spécial Maroc ce soir. C'est ça, spécial Morabé. C'est ça. Non, c'est pour tout le monde. Et puis le projet CDC4, voilà, c'est vraiment un projet. Je suis vraiment fier de ce projet. On a travaillé dur dessus. Il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération, tels que Xo, il y a Cozy, il y a Guiz et Darino justement de GSX, tu as Canardo, tu as des personnes qui sont un peu plus anciennes mais qui commencent tout juste à briller, tels que H Magnum. Ouais. Tu as des artistes tels que voilà, quelques Sultan qui était avec moi sur Team BS, mais là on le retrouve vraiment sur du sale. C'est vraiment un projet très éclectique mais en même temps très vénère. Le prochain morceau qu'on va se mettre, moi je pense qu'on va se mettre aujourd'hui les deux morceaux, que ce soit avec Canardo ou avec GSX. Donc on va choisir lequel en premier. On va commencer avec celui avec GSX. Le morceau s'appelle Il y aura des blessés. C'est sur une prod de. Alors attends, qui a fait cette prod? C'est sur une prod de. Ah, le problème est que quand tu fais un album avec beaucoup de compositeurs, le problème c'est qu'il faut retrouver les compositeurs dessus. Hein. Dès que t'as un trou de mémoire, dit Canardo, c'est bon. Ok, je vous le redirai après. Je vous le redirai dans deux minutes là-bas. Attends, moi je vais te le dire tout de suite. La prod, c'est Charisma. Voilà, c'est Charisma qui a fait la prod. Tu vois, voilà, donc il y a Charisma qui a fait la prod. Donc qui est Charisma? Et c'est un compositeur avec qui m'a envoyé une prod. Il y a plein de gens avec qui je travaille, c'est des petits jeunes compositeurs qui m'envoient plein de prods, c'est un mec très talentueux. Donc l'idée c'est ça aussi, le capital du Crime 4, c'est de mettre en avant voilà des nouvelles personnalités aussi bien en prod voilà, que surtout c'est un projet, c'est une mixtape sous forme de compilation avec plein de nouvelles têtes dont GSX, et le morceau Il y aura des blessés qu'on va se mettre tout de suite. Ouais, c'est un morceau très rentre dedans. Ah, franchement le morceau il est très très très lourd. Mais en fait c'est ça qui est bien dans CDC, c'est pour ça que j'aime bien la Uni, c'est parce qu'en fait tu vas retrouver des nouveaux compositeurs et des nouveaux artistes à chaque CDC. Ça tourne pas en rond, tu t'ennuies pas, tu découvres des nouveaux artistes, des nouveaux producteurs, des nouvelles chanteuses, des nouveaux chanteurs, et c'est ça qui est lourd. Et c'est pour ça qu'il a fallu aussi un petit peu de temps pour la faire, celle-ci, hein, parce qu'elle était annoncée, tu l'avais annoncée depuis un moment, celle-ci, David. Je l'avais annoncée depuis un moment, et je suis à fond dessus depuis pas mal de temps, et puis je suis content parce qu'au final ça m'a permis de prendre du recul sur certains morceaux, d'en virer quelques-uns, de retravailler sur d'autres morceaux. Comme par exemple la prod de intro de Scorp. C'est ce que tu nous as fait en live lundi. Hein. Voilà, c'est une des premières prods que j'ai reçues. Quoi. J'avais reçu il y a l'année dernière, j'avais commencé à poser dessus un premier morceau, j'avais pas aimé. Du coup, je l'ai basé, je suis revenu, j'ai repris la prod, j'ai re-kické dessus. Et au final, ça a donné un morceau que tout le monde kiffe. Il y a vraiment des bons retours, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un projet très attendu. Allez le prendre, là, il est déjà sur iTunes. Ah, on peut précommander tout de suite. Vous pouvez le précommander, il y a des morceaux offerts en plus pour la précommande. Et sinon, il est en physique dès lundi dans les bacs. Bon, il faut savoir que c'est qu'il y a déjà 19 titres, hein, donc ce qui est quand même pas mal aussi. Hein. C'est ça. C'est en général, sur les mixtapes comme ça, on aime mettre beaucoup de titres pour faire découvrir un maximum d'artistes. Et il y a beaucoup de morceaux solo aussi de moi. C'était parce que ces derniers temps, j'avais sorti mon album. Ensuite, après, j'étais parti sur Team BS. Il y avait beaucoup de combinaisons et pas de morceaux solo. Donc là, c'était bien de revenir aussi avec plein de morceaux solo parce que les gens attendaient ça aussi. C'était ce que me disaient les fans et puis mon entourage. Et au final, il y a plein de morceaux solo. On s'en mettra plein dans la semaine. Tu sais quoi, on va se mettre le morceau avec GSX, Darino et Guiz. Il y aura des blessés. Yeah. Ça sort lundi 24 novembre. C'est en exclu dans Planète Rap. GSX poto. Wesh Kyo, ça va ou quoi? Vent plein. Hey. Que des bâtards, je te fume ta mère, je te braque. J'encule les decks et les poucoms. Te démarre, je suis sur la blota. Tu m'as vu, moi je te vois pas. Dans le KLV, blabla le ZAN. 3-5-7 sous la 7 tour. Benzema, accroche, j'écoute, j'ai fou la 69 sur la 2 plats. Mireille, son jeu avec sa kibra. En garde trop, je te dis comme ça. On veut le million et se barrer de la stapper les kahbats d'Arbeda. La bonne frappe de Kitema. Tous mes RB à Marbella. En train de négo, dossier, la celle A pour monter le shit, faut dire que les wa 2,50 dans les restes 3, en garde 3, je te dis comme ça. On va les blesser, une balle dans le genou gauche, c'est sur quel pied danser. En portant ce nom par la fenêtre, non, j'ai rien balancé. Ramène la juge quand on la touche pas. Attaque soviétique, rêve, pousse-toi. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas sortir ton fils, soir, y'aura des blessés. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas y'aura des blessés, hein. Ok, ils ont pas la baiser. Allez, dis-moi où sont les lovés. Ah ouais, je vais commencer par les mollets. On est venu innover. Oh, ça vient de Vodarino. Ratatata dans ta vitre. 6-9 de costaud, on t'allume quand tu sors du rose pot. Dans un dîner de couple au resto. Wesh Ménade, ça dit quoi? Aucun cara avant de dormir. Tu peux la piller, tu sors de garde. Tricard comme un rat de la barda. A bon taf, dur dur à trouver une feuille au CB en fin de résoir. Y'a plus de vodka chez l'épicier, tu t'es fini. Au rhum coca. À quand la villa sous l'équateur? C'est du porno, le morceau est sur Brazzers. Une balle dans le genou gauche, c'est sur quel pied danser. Wesh la Drake, ça dit quoi encore barré? J'ai rien balancé. Ramène la juge quand la touche pas. Attaque soviétique, rêve, pousse-toi. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas sortir ton fils, soir, y'aura des blessés. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. J'ai un six poteau, ça vient de voir en plein baiser. Yeah, j'ai L6 Skrrr. Prends le sac. Y'aura des blessés, hélas. J'rachète ton contrat. J'ai le flow à Olas. Ouais, je fais Kier, ça va ou quoi, Ray? Capitale du crime 4 avec GSX. À l'instant, il y aura des blessés. Ça sort lundi 24. Est-ce qu'on peut dire un petit mot d'ailleurs sur GSX, sur l'histoire de GSX? Ouais. Un petit CV express du groupe. Bah, en fait, nous, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on rappe. Mmh. On est déjà venu voir ici d'ailleurs. Je connais les gars. Voilà, et on faisait notre petit chemin et on avançait. Puis on a fait pas mal de premières parties. Mmh. Et comme il expliquait Laouni tout à l'heure, un jour on a fait sa première partie, je crois que c'était l'année dernière. On avait kiffé le concert, puis moi, déterminé comme jamais, je suis allé le voir dans la loge et tout est parti de là. Et tout est parti de là, et donc l'aventure continue. Qu'est-ce qui va se passer donc pour les mois à venir pour GSX? Bah en fait, nous on est en mode charbon là, on est sur l'album, on est en studio. Donc là en ce moment, on se concentre que sur l'album, tu vois, on prend notre temps, on essaye de faire des titres, on s'amuse en studio. Et j'ai écouté quelques titres, c'est du lourd. Hein, c'est vrai. Hein, ouais. Voilà, donc. Canardo, tu valides? Ouais, validé. Deux fois. Ouais, déjà là sur CDC4, c'est bien, on a trois titres. Il y avait le conseil d'amis là qui passait sur Sky. Exact. Donc plus il y aura des blessés, il y a un troisième. Donc non, franchement cool. Bah, on est content. Enfin faire rayonner la ville de Lyon, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on attend. Lyon, il y a beaucoup de gens qui rappent hein, d'ailleurs. Il y a énormément de monde depuis un sacré moment. D'ailleurs, big up à tous les rappeurs de Lyon, parce qu'il y a beaucoup de talents sur Lyon. Il y en a qui, il y a beaucoup de rappeurs qui sont chauds. C'est difficile quand on est en province, c'est difficile. Donc c'est pour ça, on va essayer de faire le taf et péter la porte en premier. Allez, bah, allez-y les gars, hein, sinon Inch'Allah. Passez par la fenêtre. C'est le principe. S'il faut casser le carreau, passer par la fenêtre, on va tout essayer. Hey. C'est bien. GSX avec nous entre 20 et 21, avec Canardo aussi, La Fouine. Ouais. On va passer d'autres morceaux dans quelques minutes. Bien sûr, dans quelques minutes, on va se passer un morceau avec Canardo. Ah. Le morceau, c'est un morceau que beaucoup de personnes attendent sur Internet. C'est, j'avais balancé un petit extrait pour le, parce qu'il y avait une petite punchline sur Ice Bucket Challenge. Et c'est un morceau que tout le monde attend. Et puis le morceau s'appelle Rien à perdre. Et je suis pressé de vous le faire découvrir. Il y a un couplet magistral de Canardo. Et pour en revenir aussi à GSX, on fait une spéciale dédicace à tout Lyon et puis à tout Vaux-en-Velin. Ils nous ont accueillis pour tourner le clip justement de Y aura des blessés. On a fait un putain de truc. Dédicace à toute l'équipe de Lyon aussi, les footballeurs qui sont venus aussi nous prêter main forte. Voilà, c'était une belle expérience et puis je suis content du résultat. Le morceau est lourd et le clip va être lourd. Bon, et puis à venir donc Canardo qui lui aussi bosse toujours hein, de son côté non-stop. Toujours, l'album est presque fini, je sais, ça fait un moment, mais... Ouais. Ouais, mais ça va, tu reviens, je t'entends. Bah, c'est vrai qu'il y a quelques mois, tu sais, on a entendu sur le projet de DJ Scorp qui est pareil, ouais, en préparation. Touche à rien, le fameux Touche à rien où t'étais bien chaud dessus. Ouais, c'était cool. C'était un bon morceau, c'était une belle prod. D'ailleurs, j'étais pas. À la base, j'étais pas sur ce titre, mais quand j'ai écouté la prod, putain, j'ai demandé à Scorp, s'il te plaît. Trouve-moi une place. Ouais, une place, vite fait, tu vois. Et donc, voilà. Et bah très bien, donc la suite pour toi ça arrive aussi 2015, Canardo. Ouais, 2015, je dis pas encore exactement quand, mais ce sera début 2015, ouais. Donc début 2015, ouais. La Fouine, t'as écouté des trucs de Canardo, Canardo forcément. Canardo, ça arrive très très lourd. Non, franchement, ouais. Franchement, ce qu'il fait, déjà en prod, il est très très lourd, mais là, ce qu'il est en train de préparer en rap, c'est méga lourd. Ouais, c'est l'album sur lequel je me suis le plus pris la tête et vraiment, j'ai peaufiné, et j'espère que ça va être bon. Bah, déjà là, on va pouvoir avoir un petit, un petit bon aperçu de ce morceau, ouais. de cette direction artistique, parce que le couplet dans Rien à perdre est vraiment lourd. C'est vraiment un morceau de fou, donc préparez vos cassettes si vous êtes au Star, et mettez-vous à fond devant votre PC si vous êtes chez vous, dans votre voiture, augmentez le son, parce que dans quelques minutes, on va vous jouer Rien à perdre et c'est un morceau de malade. Une grosse prod d'un petit jeune qui s'appelait Cash Money AP, un jeune Guadeloupéen que j'ai rencontré il y a quelques temps justement. Et il a produit cette morceau, il a produit ce morceau. C'est en mode blédard. Il a produit cette morceau. Sept. Il est très bien cette morceau. Et voilà, donc n'oubliez pas de m'envoyer vos messages, ça fait plaisir. 41 Sky, 41 759, Capital du Crime, Fouini Babe, et là ça arrive lundi et c'est déjà sur iTunes. Ne bougez pas, dans un instant on balance donc direct le son avec Canardo sur Capital du Crime 4. On revient avec votre freestyle aussi par téléphone, c'est après ça. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, La Fouine, Capital du Crime 4. Comme toi, comme toi, La Fouine a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap, Capital du Crime 4, avec La Fouine, avec l'équipe GSX dans le studio et avec Monsieur Canardo aussi. Yeah. Bon, on avait promis juste avant la pub de balancer ton morceau. Je crois qu'il est grand temps de le mettre en intégralité, ce morceau. On s'appelle va se mettre ça à fond. Rien à perdre. On va s'écouter ça dans le studio à fond, c'est lourd la famille. On y va ? Allez, on y va. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais qui on est. Comme les facteurs, on va te niquer de ta mère. Tu sais d'où l'on vient, ce qu'on a fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais qui on est. Bon le sale, killer on a rien à perdre. On a rien à perdre. Rien à perdre, nigga. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Ice Bucket Challenge. Tu veux de la peufra, on t'arrange. Donne des noms, QF, on t'arrange. Arrange. Bon, on est sale, je sais qui on est, renseignez-vous. Mon putain de banquier m'a dit, je rappais mieux que vous. Je ride tranquille, double G sur le polo. Je roule en V12, nique sa mère, les écolos. J'ai même plus qu'un tour d'avance. La relève, tu sais bien ce que j'en pense. Et quand je sors en boîte le soir, sur ma table, j'ai 4-7 fois l'heure avance. Je suis un ancien, ils sont en chien. S'il y a pas de chèque, je vais pas te faire un dessin. Ils ont baissé leur froc, on a vu leur string. Tu veux percer, bah fais-toi un piercing. Rien à prouver. Cherche le succès, t'as rien trouvé. Ils ont pas une thune, ils ont le froc baissé. J'ai RDV, j'ai la HSBC. Fouini, babe, je suis au top. Mais tu crois quoi, j'ai trop de flow, j'ai fait un cuni à Mami Wata. Tu sais d'où l'on vient, ce qu'on a fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais qui on est. Comme les facteurs, on va te niquer de ta mère. Tu sais d'où l'on vient, ce qu'on a fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais qui on est. Bon le sale, killer on a rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre, nigga. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. L'équipe est waouh, waouh, frérot. Que des rap, ça fait les M et négro. 7, 8, 1, 9, rajoute un 0. Jamais déçu, me faire héros. On prend pas de check, que du ralice. On fait tout au black, on fuck le cabis. On cache du shit dans des apparts. Mis sous scellé, on emmerde des fugis. On peut faire une pierre la daronne, voir un sourire sur les joues du padré. Prêt à tout pour percer, plus de respect, les petits frères, t'as mis mal à santé. Équipe de filet, t'étonne pas si tu vois ta grand-mère dans mon carré. Any J fait une escale pour mieux redémarrer. Maintenant, tu du Nabucodonosor. Chemise Gucci, polo et plaqué Dior. Nardo sur navire, capitaine ad hoc. Bataradé, on encule Castafiore. Hella, Haga, Poussus, mes potes, t'auras jamais de bisous. Bolé, sale, ouais, c'est des C4, Casablanca, Zou. Tu sais d'où l'on vient, ce qu'on a fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais qui on est, comme le facteur. On va te niquer ta mère. Tu sais d'où l'on vient, ce qu'on a fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais qui on est, bon le sale. Dis-leur on a rien à perdre. On a rien à, rien à perdre. Rien à, rien à perdre, nigga. Rien à, rien à perdre. Rien à, rien à perdre. Rien à, rien à perdre. Rien à perdre, rien à perdre. C'est sur CDC 4, ça sort le 24 novembre ce morceau. La Fouine avec Canardo, rien à perdre, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ça doit vous faire marrer en même temps tous les deux, que ce soit La Fouine ou Canardo. Imaginez, je sais pas, si on remonte quelques années en arrière, quand vous étiez bambin, plus jeune, de se dire voilà, votre passion c'était le rap, de se dire que plusieurs années après, il y a toujours des projets qui sortent, vous êtes ensemble. Bah, c'est toujours un rêve. Ouais, c'est ça en fait. C'est un rêve qui se vit. Voilà, au quotidien, et c'est toujours un kiff de venir ici, même à Skyrock. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais dans ma chambre avec la Ouni aussi, on écoutait Skyrock le soir, et là, on est là, tu vois, de l'autre côté du micro, et ça fait toujours plaisir, et surtout de partager ça ensemble, et ouais, toujours aussi bien. Et donc, ce morceau s'appelle Rien à perdre, vous le retrouverez sur Capital du Crime 4, ça sort le 24 novembre. Il y a d'autres morceaux à découvrir, qu'est-ce qu'on passera d'ailleurs dans quelques minutes. Il y a du live aussi, vous ferez du live avec GSX, La Fouine, Canard. On va faire du live. Ouais, il y a un gros live dans quelques minutes, surtout Canardo et GSX, parce qu'aujourd'hui je suis un peu malade. Mais on va voir. Bien joué, ouais, le petit coup de. Ouais, je suis un peu malade. Non, c'est vrai, c'est un truc de ouf aujourd'hui. On peut se réécouter Rien à perdre 4 fois ou pas? Ah bah on peut le remettre. Franchement, en tout cas, petite parenthèse, je l'avais pas écouté ce son, il est très très lourd. C'est un des gros morceaux, ouais, dinguerie, c'est 4. Et c'est une grosse dinguerie, il est déjà en précommande sur iTunes, allez le pécho, il sort lundi prochain, Funny Babe sur Sky. Et Vito aussi est sur Skyrock avec un coup de fil en provenance de Rodez, ça va bien Vito? Ça va et vous? Bah ouais, je te présente, il y a Canardo, il y a l'équipe de GSX avec nous, il y a La Fouine. Lourd. Ça va Vito? Ça va nickel et vous? Ouais, ça va nickel. Voilà, il y a Vita, maintenant il y a Vito, faudra s'habituer les gars. Et ouais, on représente, ouais. Bon, t'es prêt à faire un bon freestyle? T'as une 30 pour tout défoncer, on t'écoute. Ouais, c'est bon. C'est parti, session freestyle par téléphone, en direct de Rodez. Yes. DJ Talia, yo, Dito. Dans la street, n'est qu'une parole, soit qu'un seul homme. Et pas le bluff quand les comptes des grandes colorages donnent. Et rentre dans la ronde, au moins sur nos phones. Mauvais garçon que la prof colle, ça fusionne comme les frères Dalton. On a fait des prouesses, on n'a jamais baissé les bras. On a baissé prouesses sur la clica. Du genre le rap et c'est un cyclique depuis Arnold et Gilly. Mes seuls ont de quoi remplir mes pages vides. Prends ma main, je sors de la merde, ma cousine. Mon cousin mort dans les ruines en cachant des liens sous son coussin. J'suis bombé à la win, oh voilà pour c'est que j'suis rap. En cours massage, j'étais petit vilain connard. Et quand le soleil tombe, respecte les horaires d'Adaron. Et quand les notes tombent, respecte les caravanes d'Acom. C'est pour les galériens, les mecs en chien qui passent leur journée au clé du coin. C'est mal à haine, ainsi t'es joint. Et ça fait tum-tum, non mon frère, depuis le début on rap. Une passion en plus que ça, c'est pour Djibril, Marine Nolan. Et tous les Sosatis Square, ouais. Et tous ceux qui sont avec moi, ouais. Et ça fait tum-tum, non mon frère, depuis le début on rap. Une passion en plus que ça, c'est pour Djibril, Joe et Alias. Et tous les Sosatis Square, hein. Et tous ceux qui sont avec moi, ouais. T'en souviens-tu qu'en 2009, j'étais assis au tech avec les Russes. À part de Kardashian, de Carambeu, le choix est dur, on prend les deux. On parle de peu de rhum et d'être riche. On fume les deux, mais le reste là, ta vie c'est la crise. Dis-leur que moi t'es killer, t'es le meilleur rappeur. Que ces heures devant l'inspecteur nous a donné mal au cœur. Que si demain on meurt, je veux pas de pleurs. J'ai rien à perdre, tout à gagner, j'ai rien de peur. Ouais alors on fait avec, pour les découper. Le style est bien frais, ouais, rail laisse couler. Du musique sur les ondes, on est paré. Rodez à Guadalajara, faut pas venir nous tester. Commis d'office, je veux plus voir ses peurs, ses cris, ses crises. Aujourd'hui c'est grandi, je merci toujours derrière le chromier. Le chromier, ok, ouais. Lourd, Vito à l'instant, freestyle. Yes. Terrible, merci à toi Vito, bravo hein. Ouais, allô Poto. On t'entend Vito? Tu nous entends? Ouais. Ah il est là. Petite dédicace, rappelle-nous aussi si on peut te suivre sur le net quelque part, vas-y, c'est le moment ou jamais. Pour me choper, c'est Vito, V-I-T-O, espace, Youv Music, YOOVMUSIC. Sur YouTube, vous cliquez ça et après sur les vidéos, dans les liens, il y a Facebook, Instagram et tout le tralala quoi. Eh ben tout le tralala, merci à toi Vito en tout cas. Merci à vous. Ciao, passez une bonne soirée. Le Planète Rap, Capitale du Crime 4, avec Canardo au micro. Et qu'est-ce qu'on part sur quoi d'ailleurs la fouine maintenant comme morceau? Eh ben là, il nous reste combien de temps? Bah, il nous reste une bonne vingtaine de minutes, hein. D'accord, ouais, on va se remettre. Parce qu'il y a du live là. Aussi dans un instant, on fera du live. On va se remettre du son, puis Canardo il est là, on va se mettre Belvé. Ouais. C'est un morceau aussi en feat avec Canardo. En fait, c'est plus un morceau, en fait, Canardo feat la fouine. Ah, c'est un c'est morceau l'inverse. Vraiment lourd, et on vous laisse vous le découvrir, il s'appelle Belvé le morceau. Ça sort 24. Belvé, on est nia, oh, oh, oh. Y a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boutin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Oh, oh, y'a de la Belvé en énien. Oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints. Oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boutin. Oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Oh, oh, oh. Deuxième album, on envoie à la purée. Bande d'enculés, album censuré, flot de taré. Tous ces petits dans le rap vont m'appeler monsieur le curé. Vont m'appeler monsieur le curé. Appellation, contrôlé d'origine, immigration. Si tu veux me cuisiner, va enlever les lardons. Si t'aimes les pénés, t'aimes la pénétration. Cette huit pesera à l'opposé jusqu'à sa trouville. Arrête. Bref, on est doué. J'ai pas sauté de classe, mais la prof, je l'ai fourré. Toujours chargé, contrôle police. Pas diplomatique, moi tu pas la fenêtre. Any J'ai quand il record, en bas des profs, tu n'es pas d'autre sort. Y'a de la Belvé en énia, oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boudin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Oh, oh, oh. Y'a de la Belvé en énia, oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boudin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Casablanca, cartel, technique de tarblé, on va t'enterrer. Laisse les danser, c'est bientôt fini. J'plombe l'ambiance dans ma tête, c'est la Syrie. On est doué, impossible de nous douiller. Tu nous compares à des ricains, approche le persus, c'est l'Africain. Les rappeurs sont trop obsolètes, j'ai trop la dalle, je ne laisse que des squelettes. Demande à ton car, gadget, ta garage. Ta vie est moins chère que mon putain de calage. Famas, famas, je te nique ta race. Repartage, chasse, voilà les chiens de la casse. Ah la la, you, toujours pour la route. Visé, Vaseline, Tiger Wood. Y'a de la Belvé en énia, oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boudin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Oh, oh, oh. Y'a de la Belvé en énia, oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boudin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Cup nous cherche, tu nous connais. Y'a pas qu'en hiver qu'on traîne avec des gros bonnets. Ouais, avec le temps, j'crois qu'on a trouvé la monnaie. Twinny, twinny, babe, Canardo, tu nous connais. Dans banlieue sale, on fait du lourd. Ils demandent d'où on sort. J'écrivais du sale en bas de ma tour, sans penser au disque d'or. Versace, Versace, Versace, Versace, des sacs à l'arraché. On fait du bif et ces négros sont fâchés. J'crois qu'en cellule, ces bolos prennent des cachets. Versace, Versace, Versace, Versace, majeur en l'air, index sur la cachette. Nous, nouveau high game et les rageux vont rager. Si tu nous respectes mes mots, sachez. Tu fais plus de bif que le 6 gros, de ton 6 gros. Et ouais, donc kick ta mère gros. Funny bep, flow, nitro, guédro. Sarpé, y'a que les BC qui me détrônent. Contre les vrais parlera, je le suis. Récidi, ouvre ta bouche, on va piquer ta mère. On te piétine à terre et Nijay, on les cible. Y'a de la Belvé en énia, oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boudin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Oh, oh, oh. Y'a de la Belvé en énia, oh, oh, oh. Y'a du ruina pour les joints, oh, oh, oh. J'ai les yeux rouges, loup boudin, oh, oh, oh. Elle a plus rien qui me retient. Skyrock et c'est le Planète Rap, CDC 4, Capitale du Crime 4, avec La Fouine. Et donc ce morceau, il y avait Canardo et en featuring La Fouine. C'est ça, Belvé. Extrait de Capitale du Crime 4. Et Raïs, qu'on salue, le roi aussi, à la prod. En précommande dès maintenant sur iTunes. Et bah dès lundi dans les bacs, allez tous pécho ça, c'est du lourd, lourd, lourd. Belvé, Funny Babe dans les bacs, c'est fort. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le live maintenant, avant peut-être de finir avec un morceau? C'est le moment du live. Je demande à Scorp s'il est prêt. Bernardo et puis j'ai... J'attendais que ça. Un gros live. Yeah, on est dans la place, Ray. Je crois que Scorp est pas tout à fait prêt en fait. Ouais, Scorp. C'est pas Scorp, galères. Ça dit quoi? DJ Scorp. Il est en train de coiffer sa barbe. Ouais. Oh, Youssef Tah. Scorp. En fait, je ne vous entendais pas parce qu'il n'y avait pas son casque. En plus, on se pose tous la question, est-ce que Scorp, il est roux partout? Alors, qui a la réponse? Lui seul a la réponse. Scorp, ça va? Tu nous entends? Tu nous entends? Son micro, il marche pas. Si, mais ça marche, on l'entend. Attends, c'est cool. Ok. Ah, okay. Est-ce que tu es prêt pour le freestyle maintenant avec GSX, avec Canardo? Je suis prêt. Eh bah, quand tu veux, c'est parti. Session live. Salut mon vieux, tu me reconnais? Yeah. Uh-huh. Yeah. Toc toc, c'est le voisin d'à côté. Silencieux dans l'œil de bœuf, petit enfoiré. Retour brutal, jette de l'essence sur le rap et je décale. Ta fiche m'en tape sur un joint de weed. Banlieue, Salen et Jaimouid. On fait nos fers à 300 000 euros. Donne-moi un lion, mais j'arrête le beurre. Gros, fuck, ça va plus dans le pyrrhon. Gros, je m'arrache au bled en Ferrara. On vend de la zik, on vend de la cesse. C'est un pas de bitch, écarte les fesses. Panam, haram, les bails pas clairs. On va les faire clair comme un éclair. Aïe, Proto, nique-la, va faire d'inceste. Yeah. Je retourne mes crêpes, tu retournes ta veste. Chiter les rails ici s'allume. Ne te fie pas à nos poids plumes. Club Medeke et j't'arrête. 11-43, on va trouver les biceps. Mister Canardo, tu connais, fais pas le teubé. On a les tubes, on a les itachés, on passe à la télé. Si les petits croient en nous, c'est qu'on n'a pas tout dévoilé. J'en vois tellement de rafales qu'ils pourront pas tout avaler. Dis-leur qui sont les boss, sont les best. Pour les West CD, c'est du rap d'adulte, pas du rap de Mino. On va t'aplatir comme une pizza Pino. 7890, d'où vient le niveau? D'où vient le niveau? Demande à check, ici les joints tournent comme la boîte. Carrette CIF, pas devant le ref. Que de la frappe, le rap pour moi c'est ta branlette. Tous ces MC me fatiguent. On parle pas de toi au Mercato, Canardo, frère on veut Champions League. CDC 4 CDC 4 Non, le freestyle est chaud. C'est chaud de fou. Ouais, pas de feuille, pas de cigarette devant le grand frère, c'est ça. T'es en train de teaser devant moi, tu fais une tasse ou quoi? Allez, casse-toi. Ah, il est lourd, il est chaud. Yala you. Yeah. GSX poteau. Gizzy Gizzy, ah, vont v'là Lyon, tous à l'écoute. GSX sur Skyrock. Yeah. Ok, ah. Ah ouais, en fait, j'commercial, j'te baisse ta mère, j'commercial numéro 1 de Lyon, sans pression. Écoute nos sons, ils sont pas frais. Check son prison, euro million cash, ils sont pas frais. Pilon, coke, braco, vont en v'là, ils sont pas frais. Économie souterraine, économie parallèle. Pénétration ORL, c'est pas halal. Arrête de faire le fou, hein. Des fous, y'en a de partout. Tenue de peinture, calache à la main. Chez les partouches, on est violent comme à Beyrouth. En ce moment, on arrache tout. Critique pas les meufs, j'évite un cerf dans une partout. C'est vrai, j'ai fait des erreurs. Ma toi, je rentre des courses. Si ce n'est au tout puissant, ma famille est sur ma tombe. Ray, laisse-les parler. Mon flow est sous-cellé. On m'a dit qu'elle veut revenir, puis qu'elle m'a vu à la télé. Des femmes, je suis écœuré. Ce que je veux, c'est la baiser. Yeah, ok, ok. Bouger des gros culs. Yeah. Je fais bouger des gros culs. Hein. Yeah, écoute. Yeah, yeah, hein, hein. Je fais bouger des gros culs. Je prends de l'oseille dans la RE. Si mes paroles sont trop crues, nique ta remet, ne m'écoute plus. Je parle trop, ben t'allume. Si on demande, tu m'as pas vu. Trop ami, je suis dans le cabu. Nique ta mère, allez, salut. Y'a trop de son. Ah, je connais pas le couplet, photo. Pas de neuf, yeah. Lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd. En direct GSX Ray. Pour CDC4, yeah. C'était GSX, Guise et Canardo. Yeah. Yeah. Yeah. À l'instant, en live, dans Planète Rap, les vidéos seront disponibles à partir de 21h sur Skyrock FM pour retrouver GSX, le freestyle avec Canardo soir. Le Capital du Crime 4, ça sort lundi. Avant de se quitter ce soir, on va remettre quelques morceaux, allez, un ou deux. Bah moi, j'aimerais bien qu'on se mette conseil d'amis, vu que GSX sont là. Ah bah bien sûr. Ouais. On se remet une fois conseil d'amis, ça va être lourd. C'est cool. GSX, c'est cool. C'était le premier balancé, non? À Darin West. C'était le premier sur Sky. Ouais. Le premier à être balancé, c'était Saha. Ah exact, ouais. Il y avait celui-ci voilà, aussi. Saha. Et conseil d'amis qui est arrivé, que vous avez présenté chez Difool, d'ailleurs, dans la radio libre. Exactement. Dédicace à Difool aussi. Qu'on va retrouver dans quelques minutes au 01 53 40 30 20. Et le morceau tout de suite, conseil d'amis. Yeah. C'est pas moi qui te le dis, ça sera un autre. T'as la maladie du siècle, t'es parano. Avant sans trop réfléchir, délaisse des choses inutiles. La vie est courte ici-bas. Échange tes larmes en sourire, c'est long soupir en fou rire. Pense à la mi-fa. Pense à la mi-fa. Wesh Léon, ça va ou quoi? C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Sans étoile, où est le charme de la nuit? Je voulais juste que t'aies pas d'ennui. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Par les temps qui courent, tout s'achète. À part un conseil sincère. Frère, je te vois partir en couille à courir derrière l'oseille. J'ai beau te dire d'arrêter, la promenade reste le meilleur conseil. Et tous les jours, je vois tous ces faux qui gravitent autour de toi. Dans 5-6 enfermes, gros, personne se souviendra de toi. J'ai vu le chétan à ton oreille gauche en train de chuchoter. Ton problème, c'est que même solo, t'es mal accompagné. Tu fuis les paroles des anciens, réfugiés dans la bouteille. Et tu bicraves en plein jour, car la nuit porte conseil. Quelques peines, très peu de sursis et quelques ennemis d'enfance. Comme la daronne, j'ai mis la confiance sur la potence. Dans les rues, tu verras trop de faux comme au musée Grévin. On se revoit aux arrivants, si je craque et que j'en crève un. Frérot, si t'es dans la paille, essaie de faire du blé. Si t'en vends, n'en prends pas, n'en les laisse pas te doubler. Un conseil d'amis, un conseil d'amis. Ils veulent voir ton échec, sors ton pull à ta mère. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Sans étoile, où est le charme de la nuit? C'est GSX, poto. Je voulais juste que t'es pas dans. Funny Babe, c'est des séquences dans les packs lundi. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Par les temps qui courent, tout s'achète. À part un conseil sincère. Oreille, le prends pas mal, c'est juste un conseil d'amis. Je sais que ça peut blesser, les vérités sont bonnes à dire. J'étale ta vie au grand public, j'espère que ça te fera réagir. Faut que tu saches qu'elle est dangereuse, je t'ai vu tomber dans son vide. Elle a tourné dans toute la ville, maintenant elle parle de mariage. Réfléchis pas avec ton slip. Mon frère fait preuve de courage, hein. Tu es au deux bois, elle a squatté toutes les chichas. Elle connaît tous les DJ, Gaze, Hamida. Ce qu'elle veut, c'est la belle fille. Sac H, roulé en OG, concurrence entre copines. Ton cœur, c'est pas ce qu'il mérite. Moi, je te le dis qu'elle est pas sincère. Elle boit comme du liquide. Dis-toi que c'est des problèmes. Après le passage à la mairie, oui. Mon vieux, tu vaux mieux que ça. Trouve-toi une femme de famille. Une qui a peur de Dieu et qui est pas tentée par la nuit. Je veux juste te mettre en garde. Frérot, arrête tes conneries. Si vraiment tu cherches du halal, fais un tour à la boucherie. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Sans étoile, où est le charme de la nuit? Je voulais juste que t'aies pas d'ennui. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Par les temps qui courent, tout s'achète. À part un conseil sincère. Nul ne peut s'enterrer tout seul. Ta modestie s'est faite avaler par l'orgueil. Par les temps qui courent, où tout s'achète. Sauf un conseil sincère. Une personne qui t'est chère. Même un boss serait rien sans ses employés. T'as la tête plus grosse que ton logo Versace. Il est tard ce soir, viens qu'on parle. Même amical, relation froide comme le marbre. Viens, qu'on parle un peu, qu'on oublie les intérêts. Viens, qu'on parle de nos réels projets sans dévier. Donne un billet à la mer, car il fait son marché. Fuck les meufs des boîtes de nuit. Si c'est pas moi qui te le dis, ça sera un autre. T'as la maladie du siècle, t'es parano. Avant sans trop réfléchir, délaisse des choses inutiles. La vie est courte ici-bas. Échange tes larmes en sourire, c'est long soupir en fou rire. Pense à la mi-fa. Pense à la mi-fa. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Sans étoile, où est le charme de la nuit? Je voulais juste que t'aies pas d'ennui. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Par les temps qui courent, tout s'achète. À part un conseil sincère. C'était juste un conseil d'amis. C'est extrait du projet Capital du Crime 4, à l'instant Conseil d'amis avec GSX, avec la fouine sur Skyrock entre 20h et 21h. Gros morceau aussi celui-ci que vous retrouverez dans les bacs. Franchement, celui-là, c'est mon coup de cœur. C'est vrai. Moi, je le kiffe, Conseil d'amis, quand on l'a posé en studio, direct, j'ai senti le truc. Franchement, c'est mon petit coup de cœur. Avec Medellin à la prod. Lourd. Les gens qui ont bossé en tant que producteurs sur ce projet de Capital du Crime 4 avec GSX. On va faire tourner la roulette dans un instant. Peut-être un dernier morceau pour finir. D'accord, je veux bien. J'aimerais bien finir par Louvre. Voilà, c'est un morceau qui plaît beaucoup sur internet. Il y a un clip de ouf signé celui-là il n'est pas signé Glenn Smith, mais on a tourné une dizaine avec Glenn Smith. Je vais faire une petite dédicace à Glenn Smith qui nous a rejoint. Ouais, il est là ce soir, je l'ai vu dans le coin. Il y a Ruskoff aussi qui nous a rejoint. Il y a toute l'équipe. Petit bonjour de Glenn Smith. Ah, Glenn Smith. Glenn Smith qui est beaucoup justement sur ce projet, qui a participé à toute l'image justement de ce projet. Enfin, petit big up à Glenn Smith qui nous a rejoint. Ça va Glenn Smith, en forme ? Calme. Tout va bien ? Ouais, calme. On clip. Ça clip pas mal en ce moment, hein. Il y a du taf. Grave. Ça bosse beaucoup. On travaille avec Laoni tous les jours, H24. Ouais, bah là juste après, hop. T'étais beaucoup. On attend le clip qu'on a tourné à Lyon. Il sort quand celui-là ? Bah ouais, il y aura des blessés, frère. Il est où ? C'est quand, ouais ? Calmez-vous. Alors, ouais, les prochaines images de Capital du Crime 4, c'est quand ? En fait, tous les vendredis, il y a un clip. Même pendant un mois là, tous les vendredis, il y aura un nouveau clip. Ouais. Même après la sortie du disque. Il y en a plein encore. Il y a juste ce vendredi là, comme je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux. Il y a juste ce vendredi là, on va pas pouvoir mettre le clip. On va mettre que la chanson sur iTunes, parce que la chanson, elle est un peu hardcore, et que le clip, si on le met sur iTunes, sur YouTube, il va sauter directement en 3 minutes, le clip n'existera plus. Donc allez pécho cette chanson, comme je vous l'ai dit depuis le début de la semaine. Le morceau s'appelle Pisse sur le FN, c'est pour ça le morceau est trop hardcore pour pouvoir le mettre sur YouTube. Il va sauter directement. Donc si vous voulez l'écouter, allez le pécho dès vendredi sur iTunes. Très bien, donc ça sera vendredi. Et sinon vendredi pour les prochaines images, Glenn, c'est quand il y a trop de... Il y aura des blessés, tiens par exemple, ouais, on a passé tout à l'heure. Il y aura NDM aussi qui va arriver. Pendant je pense un bon mois après la sortie du disque, il y aura encore un clip tous les vendredis. Ouais. C'est les Fouini Friday. C'est vrai qu'il y a toujours un concept le vendredi. Comment ils ont tout clippé. Ils ont clippé 20 titres, frère. On a enchaîné des 3 clips. Il y a que 18 titres, ils ont fait 25. C'est pour ça que tu dors plus, toi, mec, là. C'est un truc de ouf. On a enchaîné des 3 clips. Le lendemain, on partait au Maroc. Là, Oni, on a travaillé comme des machines parce qu'en fait, je voulais trop aller me reposer à Miami avant la promo de CGC4. Donc, on a travaillé toutes 6. On a travaillé comme des ouf. Et on est revenu. Allez, on écoute le morceau. Non, le petit est doué, gamin. C'est extrait de Capital du Crime 4. Ça sort lundi 24 novembre. Précommande dès maintenant, allez-y. Fouiné. Yeah. Comme d'hab, ma BSP de l'OV. C'est des bras, soulève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont broliquées. Ils font des l'OV. Pour quelques feuilles on va se fâcher. En 10 puis j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des l'OV. Ok. Putain j'ai des problèmes. J'entends que les petits m'ont clashé. En plus ma chemise est tachée. Le rap me suce et je veux pas cracher. À part ça mec j'ai rien à faire. J'galère chez mon notaire. J'signe des apparts à 1 million. Et je me barre en classe affaire. Niquez vos rums, moi je l'ai déjà fait. J'm'en suis lassé. J'mange avec le commissaire. Et le bijou tu aimes pas les bracelets. Bref, lève ta bécane en ire. Il n'est plus question de caler. Mon muster est comme leur teucard. Il se fait toujours avaler. Funny baby. Les chelhés font pas crédit. Frère, faut faire des levées. Avoir un brolique sous le teddy. T'as connu tes petits rappeurs street. Dis bonjour au rappeur Wall Street. Ouais, ici on vend ce que tu veux. Me accrocher. Je t'ai dit comme d'hab, ma BSP de l'OV. C'est des bras, soulève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont broliquées. Ils font des levées. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 puis j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des levées. Quand tu cartes, on en course poursuite. Dur de te racheter une conduite. Putain, ils rappent à l'ancienne. Dans leur clip, y'a toujours des pites. Méfie-toi, un jour c'est tes potes. Le lendemain, t'envoies des pics. Ils n'ont pas retourné leur veste. Ils ont tourné la boutique. J'm'en bats les reins, bats les reins. Est-ce que les leurs sont solides? Quand ils me voient passer en bolide. La carte grise au nom de Mouhi. Ta petite amie, ta virée. Elle veut sortir avec Sultan. Sur ses côtes, y'a F.A. Babe. Mais d'abord, elle passera par WAM. Quelques 16, quelques billets. J'tribuche sur un tas de Zayo. J'ai plus sur quel pied danser. Non, je veux pas salir mes Kenzo. CDC, autofinancé. J'ai le number à ta fiancée. Mec, tu rap pour le Zayo. Comment t'écris? Ma BSP délové, c'est des bras, on lève ton revêt. Intérieur cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont proliquées. Ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 puis j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, lovés, lovés, lovés. C'est Capital du Crime 4, ça sort le 24 novembre avec La Fouine, notre invité, toute la semaine. Et ce morceau qui s'appelle Lové à l'instant. Lové, merci pour vous, tous vos messages au 41 Sky, 41 759. C'est Funny Babe sur Skyrock, c'est DC4, lundi dans les bacs et déjà en précommande sur iTunes. Et avant de revenir demain, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50€, plus ta nouvelle compil Planète Rap 2014 volume 3. Salut Virginie de Montpellier, ça va bien? Salut, ouais, ça va bien. Ouais, bienvenue dans le Planète Rap avec La Fouine, avec Canardo, avec GSX ce soir au micro. Et avec toi, Virginie. Ben ouais, Et avec toi. Tu es avec toi, tu es prête à faire tourner la roulette? Ah ouais, t'arrives, par contre, je m'attendais pas du tout, mais alors je suis trop contente. Ouais, bah voilà. C'est ton tour. J'ai une heure de boulot, je vais crier. Ouais, tout ce que t'as dit. Eh ouais, Virginie, elle rigole pas, hein. Eh ben voilà, Planète Rap 2014 volume 3 et 50€ en bon d'achat pour acheter ce que tu veux. Par exemple, si tu veux acheter le CDC 4, c'est pour toi aussi. Ouais, super, super, super. Je vous fais un gros, gros bisou. Bisous à toute l'équipe de Planète Rap. Un bisou à La Fouine, bien sûr. Ouais, merci et, beaucoup. Je fais un petit dédicace à maman, à mon chéri, à Bibou. Eh ben bah, ça roule. Bibou. Salut Bibou. Ah, nous, on n'a pas de bisous, nous, on n'a pas de bisous. On n'a pas de bisous, c'est pas bien. Il n'y a pas de bisous pour Canardo, pour GSX. Mais si, c'est pour Bibou. Non, c'est que pour Bibou. Ah, que pour. C'est pas ton petit nom, Canardo, Bibou? Ouais, si, je m'appelle Bibou. Entre 18 et 19h. C'est ça, en fait. Moi, je m'appelle Zbibou. Bisous, Virginie. Moi, je m'appelle Zboubi. Merci à vous, en tout cas, pour cette soirée. Vous allez revenir demain, La Fouine, demain, on continue. Jeudi soir, entre 20 et 21. C'est ça, demain soir, encore avec plein d'invités, des freestyles et de nouveaux extraits de CDC4. Merci. On peut pas faire des petites dédicaces, vite. J'allais vous proposer, Canardo. Vas-y. Ouais, bon, dédicace à Nabila qui est au star, garde la force, tu vois. Non, je parle sérieux, voilà, tu vois, ça se trouve, elle a besoin de soutien, donc on donne du soutien. Non, mais c'est vrai, tu sais quoi, on fait une grosse dédicace à Nabila, un petit soutien à Nabila, moi j'adore Nabila. Tu vois, voilà. Bah, elle est souvent soutenue en plus dans les morceaux, dans tes morceaux, La Fouine, elle est souvent soutenue. Ah ouais. Pas qu'un, dédicace à tous ceux qui sont au star aussi, tous mes amis et tous mes amis d'enfance, Trap, bien évidemment, 7-8. Et dédicace à Nassardine, El Kairi et à Loupette Power. Voilà. Et à Issa Doumbia, aller voir son spectacle au fil de la rampe. Voilà, ça y est. Moi, je peux faire des dédicaces. Vas-y, vas-y, au nom de Jesse. Dédicace à tous, 16e, rue de la Paix, Saint-Germain-des-Prés. Bon, grosse, grosse dédicace à tout Lyon. On est fiers de notre ville, à tout Vau-en-Velin, à toute la Thibaude, l'Étable, Ménade, Souleil, Wesh Lazrec, Garde la Pêche à Corba, Youssef Tah. Donc dédicace à tout le monde, la part de GSX et tous les rappeurs. Il y a beaucoup de talent, donc on soutient. Le mec s'appelle quand même Youssef Tah. Youssef Tah. Il est grave ou pas? Youssef Tah, garde la pêche, mon pote. Ouais, dédicace aussi à tout le marais, ceux qui me reconnaissent. Tous les bars mystiques, merci à toi, voilà. En tout cas. Voilà. Canardo, peut-être de retour aussi, GSX dans la semaine, à suivre. Ouais, on est là, 20 et 21. Voilà, on va soutenir. Et La Fouine, le retour demain pour Capital du Crime 4. On va retrouver Difool maintenant. Et ouais, on est là. Allô, allô, Difool. Allô, allô, Fredo. Ça y est, on est connecté. Merci La Fouine. Merci pour la soirée d'hier. On s'est passé un bon moment hier avec La Fouine. Une grande soirée qui démarre avec toute l'équipe. Exactement. Qui est là. Exactement. Bonsoir, ouais. Marie. Bonsoir Cédric. Bonsoir Romano. Romano qui est en train d'installer son drone. Drone à choper dans l'émission avec le grand jeu. Ouais. Game of Drone qu'on va retrouver tout à l'heure sur Skyrock. Sinon, dans un instant, on va démarrer Calvin Harris. Et puis on vous attend en direct dès maintenant. 0153 40 30 20, vous nous appelez le 41 759 pour nous laisser des messages, le skyrock.fm aussi, et votez Romano et l'appli Skyrock et le clash de la drague en plus. Salut, ouais. C'est parti.